C'était le plus grand, c'était le plus bête de tous les enfants de notre famille. Et pourtant, qu'est-ce que c'était chouette quand on rigolait avec lui. Ton rire comme le tonnerre déridait même les plus grincheux. Mais qu'est-ce que t'as pu aller faire si loin de la terre de tes aïeux. De Saint-Valaougue à 40 ans, un coup de voile, c'est suffisant. Toi, t'as pris des chemins de traverse, on se retrouvera dans pas longtemps. T'avais des trous aux poches et aux mains, t'étais de ceux qui ne savent pas compter. Pour toi, la vie, c'était demain, pour toi, prêter, c'était donner. C'est vrai que Roselyne et les enfants ne te voyaient pas à la maison. T'avais jamais assez de temps, tes jours n'étaient pas assez longs. Saint-Valaougue à 40 ans, un coup de voile c'est suffisant. Toi t'as pris des chemins de traverse, on se retrouvera dans pas longtemps. La Sibylle, le foot, la radio, c'était déjà bien suffisant. Alors pourquoi donc ce bateau, ces courses tout seul dessous le vent. C'est un pêcheur qui l'a retrouvé entre deux vagues et dérivant, encore tout plein de tes projets, mais toi tu n'étais plus dedans. Saint-Valaougue à 40 ans, un coup de voile, c'est suffisant. Toi t'as pris des chemins de traverse, on se retrouvera dans pas longtemps. Le jour où t'as mis sous la terre, l'église était pleine à craquer. C'était tes sœurs, c'était tes frères, des gens que j'avais jamais croisés. Pour un adieu, c'était fameux, tous ces cœurs muets serrés debout dans la grande barque du bon Dieu, venu te voir un dernier coup. Saint-Valaougue à 40 ans, un coup de voile, c'est suffisant. Toi t'as pris des chemins de traverse, on se retrouvera dans pas longtemps. Tu voulais être pilotier d'avion quand t'étais petit. Et maintenant, pour ton appétit de lion, c'est le ciel est assez grand. Je t'imagine là-haut, dans les cieux, dans ton voilier intersidéral, fixant loin tes grands yeux bleus, capitaine, pilotier d'étoiles. Saint-Valaougue à 40 ans, de voile, c'est suffisant. Toi t'as pris des chemins de traverse,